Ton blouson, tes bottes, ta moto. Cette semaine, on a maté Terminator 3 et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Qui me fait plus perdre mon temps, bordel de merde? Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Terminator 3 Rise of the Machines, réalisé par Jonathan Mostow. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Antoine. Comment vas-tu? Ça va bien. À tes côtés Mickaël, Barbara. Bonsoir Barbara. Bonsoir. Comment ça va Barbara? Ça va, ça va. Ok. On peut préciser qu'elle est au téléphone ou pas? Mickaël, tu peux ranger ton buggle, s'il te plaît. Tu joues à Candy Crush? Et enfin, Greg. Bonsoir, Greg. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Cool. Eh ben, bon, enfin, ça s'est expédié, allez, à la suite. Pour ceux qui ne le savent pas, moi aussi, je vais bien. On parle de Terminator 3 Rise of the Machine, réalisé par Jonathan Mostow, sorti en 2003, de 109 minutes, avec Arnold Schwarzenegger, Nick Stahl, Claire Danes et Christina Loken. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Ah, c'est pas mal, hein. Il est temps. Il y a un nouveau Terminator. Le TX. Il a été conçu pour l'ultime combat. Il est plus rapide, plus intelligent et plus puissant. Oh non ! Il a été programmé pour détruire d'autres organismes cybernétiques. Il a été renvoyé dans le temps, dans un seul but. Nous exterminer. Ah, c'est pour ça. Alors bah déjà, moi j'ai emprunté le DVD à la bibliothèque. Hein. Ouais. Bah j'ai eu le DVD de Terminator 2. C'est un peu ça. Le, ouais. Le truc drôle tout à l'heure, c'est que Greg pensait que depuis le début, que c'était une blague. Et dans ton sac, il m'a dit, mais en fait, il les loue vraiment. Certaines fois, je les loue. Ouais. En l'occurrence, c'est un peu. Je dis ça parce que j'étais normalement en train de fouiller dans son sac. Hein. C'est normal. C'est classique entre nous. Je vais c'est marrant parce qu'il a quand même été surpris par la présence du DVD de Terminator 3, mais pas par les sextoys qu'il a dans son sac habituellement. Et je suis tombé sur le DVD, j'ai fait, non, mais c'est vrai en fait. Et voilà. Ouais. Tu feras gaffe, ta plaquette d'Exomil dans ton sac est presque finie. Mais celui-là, j'avoue, j'hésite à pas le rendre. Hein. J'hésite presque à le garder. Hein. Mmh. Bah, c'est grandiose. Que, en fait, j'ai lu sur Wikipédia qu'en fait, ils étaient entre deux titres parce qu'il y avait Rise of the Machine et il y avait Explosion, Explosion, Explosion. J'ai jamais vu autant d'explosions dans un film. Ah, là, ça pète. Hein. Là, c'est camion, hélicoptère, base, tout va péter. Quoi. Bah, moi, je suis un peu embêté parce que vu qu'il y a eu. J'ai compté un bout à bout. Hein, il y a 15 minutes de dialogue dans le film, le reste, c'est des explosions. Bah, du coup, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film. Mais bon, on va quand même en parler, hein. Mais c'est compliqué. Bah, bon, allez, ayant un passé d'artificier, je vais beaucoup vous parler des explosions. Alors déjà, le film s'ouvre sur une explosion. Qui enchaîne sur une explosion. Au début, ça commence, on est dans le futur, il fait nuit. Ouais. Bah, comme tous les futurs, en fait. Je ne demande pas si on a aimé ou... Ah oui, pardon. Bah, quand même. Vous avez aimé? Faire pas les buzz... Non. Non, franchement, j'ai pas aimé. Bah, moi, ça allait. Après... Ce que j'ai bien aimé, limite, c'est que c'est cohérent, tu vois, l'histoire, elle se tient, il n'y a pas trop de trucs... Il n'y a pas trop de pourquoi, quoi. Bah, c'est cohérent, à une chose près, c'est que s'il n'y a pas de guerre des machines, comment ils envoient une machine, du coup, pour tuer John Connor, quoi. Après, il y a quand même des petits bails avec les histoires du temps. Hein. Oui, on va revenir. Ouais. Enfin, bon, on va pas faire Time Cop. Hein. On n'est pas là pour parler trop du voyage dans le temps, mais il y a quand même d'énormes problèmes avec ce scénario. Complètement. Oui. Parce que c'est pas possible. Bon. Et Barbara, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, c'était un peu compliqué quand même comme film à regarder. L'histoire? Ah oui. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder parce que grosso modo, j'aime bien les explosions. Et ça pète. Et bah surtout que c'est juste un passage de Terminator 2. Toutes les deux secondes, c'est des références à Terminator 2. Bah alors, moi, le truc, c'est que j'ai pas vu le 1 et le 2. Et à un moment, je me suis dit, mais est-ce que. Est-ce que t'as raté des trucs? Il vaut mieux avoir vu, surtout le 2. Il vaut mieux avoir vu au moins le 2. Ouais. Du coup, je pense que. Il y a des trucs. Les scènes du 2, elles sont reprises. Même le méchant, il allait même voir que dans le 2. C'est tout Terminator 2. Mais comme c'est un de mes films préférés, du coup. Moi, je préfère le premier, figure-toi. Je préfère le premier Terminator. Bien taillé, goût de merde. Alors, il est formidable, le premier. Enfin, ça va, il a aimé Highlander. Alors, le... Moi, j'ai aimé la planète des singes. Ouais. Ouais. Le film commence sur l'arrivée du TX. Alors, ah faut... non, ça commence pas du tout là-dessus, c'est John Connor au début. Ouais, c'est présentation de John Connor. Présentation de tous les personnages. Ah ouais, John Connor. Qui a quand même carrément changé en 10 ans. Hein. D'ailleurs, à l'origine, il voulait prendre un acteur asiatique, puis c'était peut-être pas assez ressemblant. Un black. C'est devenu un beatnik, John Connor. Mais c'est sur les routes avec son balai. C'est devenu un tocard. Mais il sort d'où cet acteur? Il a couché avec qui? Qu'est-ce qu'il fait là? Il a couché avec qui? Bah parce que. Non, mais tout le monde sait qu'on couche dans le cinéma, Michael, quand même. Bah, comment c'est pour ça que ta carrière stagne. Je t'ai dit qu'il fallait faire des efforts, Michael. Michael est acteur, pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez taper sur Wikipédia. Et du coup, non, mais pourquoi. Non, commence pas avec le pourquoi. Non, oui, bon, c'est mal. Pas pourquoi, comment je peux le dire comment. Voilà. Non mais comment ils ont pas voulu prendre beaucoup plus nul la phrase comme ça. L'acteur de Terminator 2. Parce que je pense qu'il a sans doute vieilli et qu'il a le même âge. Je pense qu'il se drogue. Mais lui il faut aucune carrière non plus. Il a rien fait Edward Furlong. Bah oui mais il est trop puissant. Si, il a fait d'autres trucs d'ailleurs mais je sais plus. Il a fait American History X et après il a plus rien fait. Il a pris l'héroïne. Il est trop poussé à prendre du crack. C'est lui qui joue avec Tim Ross le film Little Odessa aussi, c'est ça? J'en sais rien. Mais bon, en tout cas, s'ils l'ont pas pris parce qu'il prenait du crack, pourquoi ils ont pris cet acteur-là? Parce que lui, il a quand même une belle gueule de pipette. Ouais, il a une bonne gueule de crack. Ouais. Il a une gueule de clodo, quoi. Il a un rôle de clodo. Ouais, c'est ça. Il a aucun charisme. Hein. J'aime bien parce qu'il a son blouson cargo. Il a vraiment le clodo. C'est dommage parce que le gamin, justement, il, dans le 2, il promet, quoi. C'est, c'est une petite frappe. Ouais, il a un blouson cross, il a un blouson jean. Il dirait Kev Adams, quoi, dans le 3. Et donc. Après l'introduction de ce personnage très important qui est John Connor. Bah alors attends, déjà, il se bat. En fait, c'est un SDF à moto. Parce qu'il a une moto. Ouais, mais il va la passer direct. Et en fait, il roule sur une route. Et il se fait dominer par un mouton. En fait, il percute une biche et je me suis dit, putain, malin. Les robots du futur, ils envoient une biche du futur pour tuer John Connor. Et bah voilà. C'est une biche T-1000, elle peut prendre l'apparence de n'importe quelle biche. Ceci dit, s'il se prend déjà une biche au début, on se demande comment il va survivre à trouver les TX qui arrivent. Mais bon. Parce que le TX, il est vraiment plus balèze qu'une biche. Non mais t'as ça au cul, franchement t'es pas bien quoi. Ça aurait été marrant de voir la biche arriver dans la boule, c'est, puis arriver dans le bar, puis sortir avec son blouson de cuir. Oh, la biche au volant d'une moto de flic. Vous avez pas vu cet enfant? Bon là faut avoir terminé Terminator 2 donc on va arrêter. Bon moi ce qui m'a fait marrer c'est que le TX il arrive. Alors Terminator 2 tu vois le Terminator, le T-800, il arrive au milieu de ce désert. C'est le T-101. Il est un peu plus perfectionné. Ah oui c'est le T-101. Et du coup, il arrive. Il peut compter jusqu'à 256. 1024 sur le deuxième modèle. Et il a une horloge intégrée, hein, regardez là. Et il y a un truc qui fait marrer, c'est qu'il arrive en plein désert et tout. Après, il va dans un bar du pique-nique, vraiment un truc d'homme. Et là, le TX, c'est un peu une femelle. Et elle arrive dans une boutique de vêtements pour femmes. Tu sais, genre, c'est parfaitement adapté, quoi. Tout est calculé, c'est des machines. Hein. Elle prend les fringues de la meuf. Elle arrive dans une vitrine de vêtements féminins. Ah oui, elle arrive dans une vitrine. C'est vrai qu'elle arrive dans la vitrine. Elle prend pas les fringues direct, quoi. La petite référence à Basic Instinct, parce qu'elle arrive, elle a les cheveux de Shakira complètement mouillés et tout. Mm. Elle monte dans la caisse, elle a un chignon. Bon, à la limite, ça s'explique parce que ses cheveux sont en métal liquide, mais bon. Mais alors, la grande innovation par rapport à ce modèle de TX, par rapport au T-1000, c'est que ce modèle de robot sait marcher avec des talons, alors que le T-1000 ne pouvait pas. Moi, au début, je l'appelais le T3 parce que je savais pas quoi. Je savais pas que ça s'appelait TX. Du coup, pendant toute la moitié des notes, j'écris T3, et après, je passe à TX. Enfin, T veut toujours dire Terminator. Hein, le T-1000, c'est le Terminator 1000, en fait. Bah, c'est les robots qui ont inventé cette nomenclature, c'est plutôt pratique. Ils se sont pas fait chier, quoi. Putain, arrêtez, moi, le T3, ça me fait penser au bus que je prenais pour rentrer du lycée, quoi. Je te conseille de te méfier quand même, hein. Mais pareil, il y a un truc que je comprends pas bien, c'est des gens qu'on peut pas bien comprendre tous ses pouvoirs, parce que elle peut contrôler les machines, en gros elle a le pouvoir du T-1000 dans Terminator 2 qui lui est en métal liquide 100%. En plus il peut pas casser parce qu'il est il est en métal liquide. Je sais pas si elle est en métal liquide alors. Bah si, elle peut quand même changer d'apparence quoi. Bah je vois pas pourquoi. Alors, peut-être qu'elle est une enveloppe liquide à la limite. Qui lui permet si elle est liquide, elle est liquide hein. À un moment on la voit, elle est liquide. Hein. C'était peut-être toi. Elle a du liquide autour de la ferraille surtout. Ouais. Après, elle peut appeler au téléphone et parler comme Awel Wanadu. Elle parle modem à un moment. Et surtout, je veux dire, si t'es un robot pour tuer quelqu'un et aller vite, je ne comprends pas pourquoi pendant tout le film, elle marche à deux à l'heure avec des talons. Bah, à un moment, elle court. Bah, hein. Bah, je te dis, c'était le logo. Elle court en talons, c'est trop galère. Enfin, tu vois, elle peut courir sur des espèces de prothèses qui vont super vite. Pourquoi elle fait pas ça? Ouais, je sais pas. Bon, on va arrêter de partir en pourquoi. C'est là qu'elle se fait arrêter par le flic? Alors, juste avant de se faire arrêter par le flic, elle a une attitude assez intelligente. Elle, elle a un objectif, tu vois, elle vient d'arriver sur la Terre. Son objectif, c'est quand même de tuer 10 personnes ouais. pour aller le plus vite possible. En fait, elle veut tuer, contrairement aux deux autres, elle veut tuer John Connor et ses lieutenants. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, elle commence. C'est la seule différence entre Terminator 2 et Terminator 3. Et surtout, John Connor, il est troisième sur la liste. Sachant qu'avant, elle va tuer deux lieutenants et après, elle va quand même se faire John non, Connor. C'est parce qu'elle... Non, c'est parce qu'elle le tombe trouve. Dessus par hasard. Elle oui, parce dessus. Que logiquement, lui, c'est la cible principale. Exactement. Ouais, ouais. Vu que c'est un malin et qu'il a acheté son téléphone portable et qu'il vit comme un clodo sur les routes, il est pas vraiment trouvable, pas vraiment identifiable. Voilà, en fait, il vit comme un ermite. Vous comprenez ouais. ou pas? Bon, pas de bol parce qu'elle va tomber dessus au bout de 15 minutes. Bah, pas de bol pour lui parce qu'en plus, il va être enfermé dans une cage. Sachant que la fin du monde a lieu 24 heures plus tard. Donc en plus, je sais pas, elle pouvait venir deux semaines plus tôt et se renseigner. Enfin bon. Ouais, là, c'est tout le bail du temps. Là, mais les billets de machine à remonter le temps étaient plus chers. C'était en pleine période de vacances. Et là, elle se met. Enfin, à partir du moment où elle a identifié la position de ses cibles en se connectant au modem de la police par téléphone, elle se met à accélérer comme une dingo sur la route. À quoi ça sert, à part qu'il y a un flic qui arrive et pour voilà, placer exact. La scène des 10 bars à la limite. Ouais. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'en fait, elle voit. La scène ouais, bah, je peux l'expliquer. Ouais. En fait, elle voit une pub avec. Comment elle s'appelle Lolo Ferrari. Non, je sais plus. Enfin, Victoria's Secret. Voilà, Victoria's Secret. Donc, c'est marqué ce qui est sexy. Ce qui est sexy, donc elle se rend compte qu'en fait ce qui est sexy c'est d'avoir des gros seins, donc elle se fait pousser les seins. Ah oui, parce que c'est vrai qu'au début elle avait pas. Ouais, elle était pas du tout sexy, elle était dégueulasse. Ouais, c'est marrant parce que heureusement, bah, qu'elle oui. pas... ouais. heureusement qu'elle est pas tombée sur une pub, cette Hélène. Ça s'est transformée toute verte. Et là enfin. Alors c'est ce qui sert à rien parce qu'au final on imagine qu'elle va le tuer. Ouais. Et donc du coup là, à ce moment-là, il y a pareil, il y a un truc qui est un peu inexpliqué, mais il y a un virus qui attaque tous les ordinateurs là, parce qu'on a un peu on est dans la base américaine à un moment et puis. Non, c'est Skynet qui commence à agir en fait. Ah oui. Explique-nous Skynet, oui. Parce que les gens ne connaissent pas Skynet. Moi, j'ai jamais trop compris Skynet. Hein. Bah, Skynet en fait, c'est une invention de l'homme, c'est un petit peu l'internet, parce que quand Terminator 1 est sorti, c'était un petit peu. C'était aux années 80. Oui. Voilà. C'était un petit peu l'arrivée de l'internet et du coup en fait ce qui est plutôt pas mal fait moi je trouve en fait Skynet va se développer tout seul, il va développer une auto-intelligence et du coup il va créer des machines lui-même et il va détruire les humains parce que Skynet ou l'internet tu peux l'appeler comme tu veux ouais. est super intelligent quoi. Voilà, c'est clair? Ouais. D'accord. Sympa. Ouais, mais alors pourquoi? Mais c'est les humains qui l'ont inventé Skynet. Ouais, mais oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est les ingénieurs qui ont inventé Skynet. Mais du coup Skynet devient autosuffisant. D'accord. C'est l'arroseur arrosé. Devient autonome. Voilà, c'est une bonne définition. Ensuite, on a l'arrivée d'Arnold Schwarzenegger. C'est pas la bonne, mais on a l'arrivée d'Arnold Schwarzenegger, alias Terminator. Ouais. On est content quand il arrive. Hein. On est vraiment content. Bah, cette scène-là m'a fait rire. C'est la seule qui m'a plu en fait. Bah, là, ils sont pas fait chier. Ils ont vraiment pris les images du 2. Là, ils ont carrément, ils ont même pas retourné. Hein, ils sont pas fait chier. Ce qui est marrant, c'est que quand même, ce modèle de Terminator, il vieillit un peu. Il prend des rides et tout. Puis surtout, ce modèle de Terminator devient gouverneur de Californie. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'il rentre dans le bar et en fait, il y a déjà le videur. Donc, il analyse ses fringues, il dit que c'est pas sa taille. Ensuite, il rentre dans le bar, il tombe sur une espèce de. Oh, c'est une soirée ananas avec des Chippendales. Et il tombe sur une nana et c'est marqué non conforme. Et en fait, ça aurait été marrant que justement les robots dans le futur ils déprogramment son truc, normes vestimentaires, tu vois, puis qu'il ressort habillé en meuf. En chanteuse de country. Ou en clown sur un monocycle. Surtout que c'est non conforme, mais lui il va prendre les fringues du stripteaser oui, qui n'est pas du tout carré comme lui, quoi. En fait, quoi, c'est ça qui est. Je pense que personne n'est carré comme lui en vrai, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis surtout. Sim. À l'époque. C'est un grand athlète. Pendant ce temps-là, la petite robot, elle va faire son affaire quand même, parce qu'elle va aller tuer sa première cible. Ouais. Alors c'est une arme sur pattes, c'est-à-dire qu'elle a un milliard de façons de tuer des humains. Elle peut les transpercer, elle peut les étrangler, elle peut leur tirer c'est parce qu'elle a un laser dans le bras. Par contre, elle va voler un flingue à un flic. Et elle va arriver, elle va sonner chez le mec. Le mec, il ouvre, elle fait « C'est vous, Christophe Dugarif ?» Je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, c'est ça. Elle a quand même pris soin de remettre ses seins de combat, hein, parce qu'elle va rester avec ses... Ouais. Et là, elle va lui tirer 9 balles dans la tête. Je n'ai absolument pas compris pourquoi. Ouais. C'est parce qu'il soit mort. Probablement parce qu'il a oublié la sauce potatoes. Parce que c'est dans un fast-food, hein, il faut préciser. C'est ça, c'est le mec du fast-food. Ouais, c'est ça. Et après, il y a la scène du vétérinaire, quoi. Ouais, direct. Mm. Oui, en fait, John Connor se réfugie dans une clinique vétérinaire. Ouais, pour se soigner. Se soigner après son accident de la biche. En bouffant moi, je pensais que c'était pour soigner la biche, du coup. Et alors, comme par hasard, il y a la... Tu sais que cette biche va devenir lieutenant, justement, de la rébellion. T'imagines, au milieu, sur le trombinoscope de la, du TEGIX, il y a la biche au milieu. Biche Minator. Bon, en gros, t'as le vétérinaire qui arrive. Bon, il s'avère que le vétérinaire, c'est aussi un futur lieutenant dans le futur. Parce qu'en gros, il y en a 5, mais bon, pas de bol, ils habitent à 10 km d'intervalle, tous. Ouais. Et... Donc elle vient, elle est confrontée à John Connor, elle le reconnaît. Et là, t'as une cliente qui arrive à 5h du matin avec son petit chat qui dit « il y a une boule de poils ». Donc elle attend dans la salle d'attente. Et là, il y a le TX qui arrive. Le TX, il se fait pas chier. Elle démonte la nana avec un flingue. Et après, elle fait « vous êtes… » Elle lui pose la question « vous êtes Drew, je sais pas comment elle s'appelle ». Elle ne répond pas. Et surtout, elle a pas le scan de visage comme une version précédente. Elle est là, elle sait pas. Du coup, elle est obligée de goûter le sang. Ouais, elle fait. Ouais. Non, mais en plus, ah non, c'est pas qu'elle, elle l'a. Elle bien l'a. Plus salé, Drew. Elle l'a. Non, mais à l'origine, elle faisait ça par examen d'urine. Non, sérieux, c'était trop long, c'est un peu puis fastidieux, ça, quoi. Puis ça mettait 2 semaines à les résultats. Elle envoie ça la peau. Dans le futur. Elle est obligée de revenir, c'est très galère. Vas-y, Greg, excuse-nous. Non, je sais plus. Non, mais si, il me semble qu'elle a. Tellement peu de notes, alors parle quand t'as parlé. Non, mais il me semble qu'elle a le scan visage justement au début quand elle bute le gars. Elle l'a pas pour la vieille, quoi. Ouais, bah c'est ça qui est. Mais il marche plus, ça s'est cassé. Bah, moi, en fait, j'ai un gros bail avec le scan visage. C'est-à-dire que c'est un robot qui est ultra perfectionné. Pourquoi il va avoir un truc visuel qui fait bip bip dans ses yeux alors qu'il a un circuit intégré que ce qu'il analyse, il l'analyse direct. Il a pas besoin de regarder dans ses yeux pour revenir au circuit imprimé, ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Bah. Mais chacun expert dans un truc. Hein. Barbara, c'est les avions, Eric, c'est l'électronique embarquée. Donc... Non, mais c'est vrai que son visuel, ça sert à rien. Quoi. Moi, j'ai un autre problème aussi avec elle, c'est qu'après, il y a un peu la scène des cuisines dans Jurassic Park, c'est-à-dire qu'elle va arriver dans l'arrière-salle de la clinique vétérinaire. Ouais. La meuf, elle est cachée dans un coin. C'est un être humain qui respire et tout. Et alors, elle a un détecteur de sang, elle peut parler Wanadu au téléphone, mais par contre, elle n'a pas de détecteur de mouvement, de bruit, de chaleur, elle n'a rien du tout, quoi. Elle galère grave à la trouver. J'aurais mieux fait l'envoyer Predator, quoi. Bah, même un chat, il va la trouver. Biche, je suis sûr qu'elle la trouve. Mais moi, il y a un truc qui me fait marrer dans cette scène, c'est qu'au début, avant que le TX arrive, en fait, t'as John Connor qui menace la vétérinaire, ouais. En fait, qui sont que tous les deux dans la clinique vétérinaire. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui lance la boîte de médicaments et il la rattrape et du coup elle peut le choper pour la mettre dans la cage, quoi. Il faut savoir que c'est une technique qui marche dans tous les films. Chaque fois que tu lances un truc à un mec qui a un flingue, forcément oui. Il va chercher à la choper. Et c'est comme ça que les États-Unis ont gagné la guerre du Golfe. C'est vraiment une technique imparable. C'est vrai que pour le gars qui va mener la rébellion, c'est quand même pas très très malin, quoi. Oui, c'est vrai. Dis, ouais. Mais ça, à la limite, ça c'est abordé dans le film parce qu'en fait, en gros, c'est un véritable loser. Et pendant tout le film, il a la crise de confiance de « mais c'est pas moi qui vais ouais, te diriger ouais, ». Il est conscient que c'est un loser. Ouais, au moins il sait, quoi. Il a quand même changé depuis qu'il est jeune. Quand il est dans le Terminator 2, je peux dire que c'est pas un loser. Mais ouais, mais c'est pour ça qu'à la limite, dans Terminator 2, c'est expliqué que c'est un... Bah oui, que c'est un guerrier. C'est lui qui domine. Mais je dis, c'est une boucle de temps parce que s'il n'y avait pas le Terminator, il ne deviendrait pas le machin. Tu comprends? Mais de toute façon, il va y avoir Terminator 5, là, donc tout ça sera peut-être réglé. Ouais. Mais... Et là, donc là, du coup, bon, ils sont dans la merde parce qu'il y a quand même le TX qui est l'être le plus puissant. Il est puissant. Et il est puissant. Globalement invincible. Lui, il monte dans les tours tout de suite, le TX, mais il ne court jamais. C'est-à-dire qu'il peut tuer, mais il va prendre son temps. Par contre, contrairement au T-1000, il a des vraies armes intégrées. Le T-1000 n'avait que les armes blanches. Ouais. Ah bon? Ouais, mais c'était un peu comme... un Terminator couteau suisse, tu sais, il avait un décapsuleur. Un clore à pipe. Il a un dégorgeoir à poisson. C'est une aiguille à tricoter. Et là il y a quand même un truc aussi, c'est enfin tu vois par rapport à Terminator 2, c'est que le T-1000 il est terrifiant dans Terminator 2 parce qu'il il donne vraiment ce sentiment putain tu t'en débarrasses jamais, il est toujours derrière toi. Ouais, et là il y a un peu ça avec elle, mais quand même complètement, parce que en fait elle est toujours derrière toi, mais comme il y a toujours des explosions, à la limite elle s'en prend toujours un peu dans la gueule. Ouais. Ouais, ça la ralentit. Et là ça va arriver tout de suite. Elle s'apprête à les tuer, donc elle est encore à 2 secondes de pouvoir les tuer. Au lieu de se dépêcher, elle va prendre son temps. Elle est en talon. Oui, c'est pour ça. Et là, t'as Terminator qui arrive dans son 4x4. America. Il va la démonter. Ah oui, d'ailleurs, la veto, c'est à ce moment-là qu'elle a beaucoup, beaucoup de chance. Oui, c'est-à-dire que la bagnole lui rebondit au-dessus, quoi. Exactement. C'est genre, c'est le bus de Speed, tu sais, il rebondit au-dessus. Tu sais pas comment, il saute au-dessus de la. Il fait un petit ollie, ouais. C'est assez bas les affaires, je pense. Surtout qu'il a l'air de peser 3 tonnes à peu près de Schwarzenegger. Donc normalement, quand il monte dans une caisse, ça doit sacrément s'affaisser. C'est vrai qu'à un moment, il y a un mec, il n'arrive pas à le porter. Et je pense que j'arriverai pas à le porter non plus. Hein. Et donc là, voilà, après, c'est un peu, ils deviennent fugitifs. Ouais, mais après, c'est tout le film. Hein, bah, il se barre avec le camion de. Suite et course-poursuite, après, il n'y a que ça, quoi. Oui, qu'il se barre avec le camion de la clinique vétérinaire. Et elle, du coup, elle prend un camion de chantier, un truc mastodonte. C'est plus qu'un camion de chantier, là, c'est un convoi exceptionnel, c'est un 19 roues. Et elle prend contrôle d'autres véhicules. Ouais, toute la flotte des flics. Ça, limite, c'était rigolo. Ce qui est rigolo, c'est surtout comment elle prend contrôle des véhicules des flics, c'est qu'elle met son doigt dans le Neyman. Ouais, je sais pas pourquoi. Et avec. Mais surtout qu'il n'y a pas d'électronique qui permet de tourner le volant, tu vois. À la limite, tu peux éteindre et allumer le moteur, mais tu peux pas tourner le volant, appuyer sur les pédales. Ouais. Attends, elle est trop forte. Et c'est quand même une énorme scène d'action. Ouais, c'est une énorme où scène. Où ça va exploser dans tous les sens. Là, moi, c'est chiant, c'est une scène d'action qui dure quand même 50 minutes. Donc, Alors, cette scène, j'ai regardé le consultant, en fait, c'est un enfant de 9 ans qui joue avec des Hot Wheels. Non, mais c'est exactement ça. Des trucs, on va mettre un camion de pompier. Et la ville, elle est ravagée, quoi. Oui. Après ce truc, c'est. J'ai pensé, en fait, la TX, elle a des parts dans une société de construction, du coup, elle casse tout exprès, parce qu'après, elle attrape des contrats. Il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'à un moment, Schwarzenegger, il est au bout d'une espèce de poulie, et en fait, il se prend le camion de pompier aussi qui arrive en face. On dirait vraiment le coyote dans Bibi Pelle Coyote. Mais d'ailleurs, je crois que Schwarzy est fan de sa cartoon. Regardez tous les dimanches soirs. Et après, il y a un truc avec le crochet qui s'accroche dans une bouche d'égout, et le camion va se retourner sur lui-même. Ouais, ça c'est. Ça, c'est vraiment pour dire, il nous faut un budget explosion, et là, on l'a. D'ailleurs, il y a tellement d'explosions que là, on n'en est que à 2 minutes de dialogue, alors qu'on est à 30 minutes de film. Donc, Comme Drive. Ouais, oui, c'est vrai, c'est un peu ça, ouais. Ah, mais Drive, il n'y a pas d'explosion, moi, je me suis fait chier. Hein. Et puis, en termes de cascade, là, ça va un peu mieux, quoi. Et moi, ce que j'ai bien aimé après, c'est qu'il y a une scène de fuite, c'est plus une course-poursuite, là, c'est la fuite. Où il part dans le désert, c'est ça. Et là où il t'explique un peu, quand t'as pas vu le 1 et le 2, c'est quoi les bails, quoi. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça sympa, parce que je comprenais rien du tout avant. Et donc, qu'est-ce qui se dit? C'est quoi les bails, alors? Vous avez compris le voyage dans le temps, alors? C'est qu'en gros, il dit que... Les méchants, là, ils ont essayé de le tuer avant sa naissance, à ses 13 ans, machin... Oui. Qu'il va sauver le monde, puis c'est super, quoi. C'est incroyable, quand même, parce qu'ils expliquent tout ça, mais s'ils avaient juste envoyé 2 TX, il avait quand même 0% de chance de s'en tirer. La question, c'est que le robot, une fois qu'il voit que ça a échoué, il envoie le même TX, mais la veille, quoi. Et puis l'avant-veille, et puis tu sais quoi, on a fait retourner en 1700, et puis on tue toute sa décennie, tu vois. Ouais, mais ils ont un budget à respecter, hein, dans le futur aussi. Mais ce qui est marrant, c'est que John Connor, lui, dans le futur, il pense pas à envoyer plutôt que d'envoyer son Terminator pour se sauver lui-même, il pense pas à envoyer un Terminator avant pour tuer Skynet, quoi. Bon, ça, c'est un peu débile aussi, quoi. Dans le 2, c'est un peu ce qui se passe. Ils essayent de tuer Skynet, en fait. Ah ouais. Ils essayent aussi dans le 3. Oui. Mais dans le 2, ça marche. En fait, ils sont juste retardés, c'est ce qu'ils nous expliquent. Bon, en tout cas, ça marche pas. Ils ont un budget explosion tellement puissant qu'à un moment, Schwarzenegger, il est un peu abîmé. Il fait faut que je change ma pile. Et il va pas la changer parce qu'il en a pas d'autre. Il va juste enlever une qu'il a. Il va la jeter de la bagnole. Et là, ça fait une explosion nucléaire dans le désert. Ouais. Mais ça sort de nulle part. C'était vraiment j'ai l'impression que j'ai peur qu'on ait pas assez d'explosions. Ouais, mais c'est surtout, non, mais c'est en prévision de la fin, en fait. Parce que c'est comme ça qu'il se débarrasse du TX. Ce qui est nul d'ailleurs, c'est. Ouais, sinon non, il aurait juste fait cracher un molar. Ce qui est vachement bien dans le premier et dans le deuxième, c'est comment est-ce qu'ils vont se débarrasser. Dans le premier, c'est comment ils vont se débarrasser du Terminator parce qu'il a l'air invincible. Et dans le deuxième, c'est comment ils vont se débarrasser du T-1000 parce qu'il a l'air invincible. Et à la fin, on est surpris de la manière dont ils s'en débarrassent. Mais là, pas du tout, quoi. À la fin, la manière dont ils se débarrassent du TX, c'est nul, quoi. Bah, surtout qu'en fait. Il met juste la pile dans la bouche et elle explose. Voilà. Donc là, on a un moment. Vous avez rien à dire là-dessus? Tu veux taper la vitesse à laquelle j'ai enchaîné. Là, on a un moment quand même où plus rien ne marche. Donc là, plus d'ordinateur, plus de télévision, plus de machin. Mais l'électricité fonctionne encore et la vie est à peu près normale. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas trop d'émeutes. D'ailleurs, la nana, tu sais, au début, c'est quand ils la foutent dans le coffre, là, elle a toujours son téléphone portable. Elle est en train de voir qu'il n'y a plus de réseau. Mais bon, je pense que le TX, là, il va la griller avec son téléphone. Et ça, le Terminator, il ne grille pas du tout. Il lui dit pas, vas-y, jette ton téléphone. Machin. En même temps, elle a détruit tous les. Greg, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu es visiblement plus intelligent qu'un TX. Il n'y a pas pensé. Le mari va se faire tuer, donc là c'est pareil, c'est un petit revival de Terminator 2. Mais avant, ils vont. Il y a le. C'est dans le cimetière, là. Ah oui, dans le cimetière, ils ont un gros budget, bah, là, parce qu'ils ont tiré à peu près 40 milliards. C'est après la mort milliards. Du ouais, petit copain. Elle va tuer le mari avant la scène du cimetière. Ouais. Ah bon? Ouais. D'accord. Parce okay. que c'est elle qui arrive dans le corps du mari au cimetière. Mmh. Ah oui. Donc pour savoir comment se passe cette scène, on va pas l'expliquer, donc faut regarder Terminator 3 ou Terminator 2 parce qu'il y a la même. et ensuite le cimetière, bah il y a la police qui arrive, ils envoient ouais. des lacrymos. Bah, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'ils vont en fait, parce que ça doit être la Toussaint probablement, donc ils vont sur la tombe de Sarah Connor. Et en fait, en fait, elle, dans son cercueil, il n'y a pas du tout Sarah Connor, il y a des armes. Mmh. Ouais. Parce que ah, c'est ce qu'elle avait écrit dans son testament, c'est ce qu'elle voulait. Dingue. Hein. Ouais. Ouais, mais c'est des... Moi, je me suis dit, mais c'est des armes d'il y a 10 ans. Comment tu veux combattre un Terminator avec des armes d'il y a 10 ans? C'est ah, mais bon, même avec des armes actuelles, hein, moi, franchement, je m'y frotterais pas. Hein. Les policiers, ils arrivent, ils envoient des lacrymos qui font du gaz rouge ouais. et qui piquent ni les yeux ni le nez. C'est-à-dire que... Ils piquent les yeux de la nana qui sort, de la vétérinaire. Sauf que ouais, John Connor qui est à l'intérieur, bah, lui, ça va en fait. Il est complètement immunisé. Par contre, lui, il a une crise de confiance. Hein. Oui. Lui il dit, il fait non mais moi c'est pas moi qui, c'est pas moi, tu te trompes. C'est pas moi. T'as rebellé l'autre, c'est pas moi. Moi il y a un truc qui me fait marrer, c'est que elle comprend pas en fait que c'est un robot Schwarzenegger. Alors que le mec il s'est quand même ouvert le ventre, il a envoyé sa pile qui a explosé. Ah, mais ça, dans elle, le désert. Elle a pas vu, elle était derrière ouais, avec les cages okay. à chiens. D'ailleurs derrière, je pense que t'as un milliard de seringues, de trucs trop dangereux. Elle se fait valdinguer dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et dans le cimetière en fait, ce qui est marrant c'est qu'elle lui tire une balle dans la tête. Au Terminator, ouais. et pour se rendre compte qu'en fait il meurt pas, donc ouais. c'est une machine, et lui il sort la balle de sa bouche. Vous avez pas vu ça? Mais si, d'ailleurs il la mâche, il sort une la sort en forme de tourelle. Ouais, ouais, moi, impressionné. J'ai parlé en arrière, je me suis dit qu'il l'avait mangé en fait. Non mais il l'a avalé avec sa bouche quand elle a tiré, ou elle a, non, elle a tiré dans elle son a tiré front, dans la tête, et il y a un mécanisme. Mais comment c'est possible? Non mais on voit pas bien. Si. Moi j'ai cru qu'il avait ah, fait ouais, j'ai cru qu'il l'avait avalé. Mangé, parce que ah peut-être s'il tire une balle ici, ça veut dire quoi? Il y a des conduits spéciaux pour. Alors ici les auditeurs ne voient pas. Hein. Ah merde. Bah continuons. Bah non, moi je réfléchis du coup. Donc là il décide de faire le plan le plus audacieux, c'est-à-dire John Connor, toi tu vas aller dans le cercueil et moi je vais sortir contre 12 000 flics avec une Gatling et je vais tirer sur tout le monde. Mm. Et puis après je vais monter tranquille dans une bagnole et puis on va partir. Ça semble un bon point quand t'es avec un bon plan quand t'es avec un Terminator. S'il y a s'il y a pas un TX derrière quoi. Franchement, j'y vais en confiance quoi. Attends, le cercueil il est pas du tout blindé. C'est vrai qu'il se prend plein de bastos dans le cercueil alors qu'il est pas du tout blindé. Et surtout quand même il serait blindé, je peux se remarquer dès qu'il rentre dans la bagnole, dans le corbillard, les mecs et les flics tirent sur le corbillard, lui il sort direct du cercueil, tu vois. Ouais. Bon, elle avait dû prévoir ça dans le testament, je pense, un cercueil blindé. Et du coup là t'as le TX qui arrive, oui. donc déguisé en mari, mm-hmm. et qui va aller voir la femme et qui dit ah, coucou chérie, c'est moi. Oui. Parce qu'elle a quand même pour objectif de le tuer. Et alors, au lieu d'aller jusqu'à elle et de la tuer, elle va tout de suite se transformer en robot pour lui montrer regarde, ce n'est pas moi, comme ça tu peux t'enfuir. Surprise. Et du coup, elle commence à s'enfuir, elle va marcher très lentement, et là, il y a Schwarzenegger qui arrive avec un bazooka qui va la démonter. Ouais. Heureusement, hein. Et du coup, bah, un coup de bazooka, donc elle n'est jamais abîmée. Le TX n'est à peu près jamais abîmé. Ouais. Mais ça, c'est comme dans T2. Hein. Il n'est jamais abîmé, quoi. C'est quoi T2? Oui, ah, jamais Terminator 2. Ouais, c'est une abréviation. Non, c'est le bus qui prenait quand il était dessus. Bon, elle va quand même les poursuivre. Donc, eux, ils s'enfuient en corbillard, tous les trois. Ouais. Et elle poursuit la bagnole et elle arrive sur le toit du corbillard. Et elle a une scie sauteuse dans la main, donc elle peut commencer à découper la voiture tranquillement. Ouais. Ma question, c'est pourquoi elle fait pas péter toute la bagnole, sachant qu'elle est invincible et qu'à l'intérieur, il y a deux êtres humains très fragiles. Non, c'est sûr. Oui. Ouais. Mais elle a pas perdu. Il y a un moment, elle perd l'usage de son arme principale. C'est après. Plus tard, c'est ça. Juste après, ouais. D'accord. Non, mais globalement, elle est tellement forte qu'elle a, depuis le début, elle a 40 000 occasions de les buter. Elle est vraiment nulle, en fait, quoi. D'ailleurs, elle est dans la merde quand elle perd l'usage de son arme principale, parce que son arme secondaire, c'est un batteur électrique. La John Connor, bouge pas ou je te monte en neige. Est-ce que quelqu'un peut rappeler comment il s'en débarrasse à la fin de cette scène de Cambien? Quand elle est sur le toit de la caisse. Ah ouais, bah ouais, il passe sous un camion. C'est bien. Il passe sous un camion. Ça décapite tout. Ça fait décapotable en fait. En fait, ça transforme ton corbillard en Mustang décapotable. Ouais. Donc ça fait gagner de la valeur au véhicule potentiellement. Ceci dit, il faut quand même refaire les finitions. Hein, et surtout, il fait baissez-vous. Il se baisse. Et puis elle vole dingue avec le truc. Et là, c'est à ce moment-là où elle perd son arme. Et donc après, ils vont un peu parler du Judgment Day, tu vois, tout ce truc-là un peu déterministe, que bon, ça va, quoi qu'il arrive, ça va quand même exploser, on ne peut rien faire. Et je trouve que la gonzesse, elle le prend plutôt bien, en fait. Parce que Terminator, il a quand même un tac de dingue. Hein. Genre, ton mari, il est mort. Ah oui, c'est vrai. Il perd pas son temps avec les futilités, hein, le Terminator. Mais ça, à la limite, c'est, tu vois, ça, c'est, pas trop, c'est une machine. Ça, c'est drôle, quoi. Enfin, c'est toujours exploité de manière drôle. Après, donc, il décide d'aller à Skynet quand même pour aller. Alors que Terminator, enfin, voulait pas. Pisto papa. Ouais, il voulait pas. En fait, on faisait pas parce qu'à la fin, ils sont quand même dans la base. Ah non, parce que. En fait, sa mission à Terminator, c'est pas d'exterminer Skynet, c'est de protéger Connor et la meuf. Ah, mais du jour au lendemain, tu te rends compte qu'il n'écoute que Claire Danes. Hein? Oui. Ah oui, parce que c'est elle qui l'a envoyé, en fait. C'est elle qui l'a envoyé, du coup. Donc elle obéit qu'elle est à Claire. Quand John Connor... Dance. Putain, j'ai entendu Clear Dance, Clearwater Revival. Moi aussi, je comprends pas, il écoute du sixième. Mais... Ah, quand c'est elle qui parle, c'est pour ça qu'il accepte. Voilà. Ah, mais j'avais pas tilté, ça. Du coup, si, il le dit. Alors qu'au début, quand elle lui dit « relâche-moi », il la relâche pas. C'est vrai. Ça arrive comme ça. Ah mais oui, grave, il y a un problème avec le début du film, parce que le début du film, elle lui donne plein d'or, il écoute pas. Il dit « oui, j'ai menti ». Ah bah c'est bon, ça marche alors. Ah, oui. Donc là après on va à Skynet. Papa il prend des risques parce que papa c'est le chef de l'armée. C'est lui qui va lancer Skynet. Et finalement, il décide de lancer Skynet parce qu'ils ont des bails avec le virus. Mais en fait le virus c'est Skynet. Donc en fait Skynet il va monter dans les tours, il montre qui c'est qui domine et ça vire chocolat. Bon, complètement. Et là d'un seul coup c'est le gros dawa et il y a le robot qui arrive avec ses talons. Et qui arrive en apparence de fille. La fille du mec. Et qui est malin, la Creedence Clearwater. Qui a reprogrammé tous les robots. Alors là, c'est des T1-2. Ouais, mais déjà, ils sont bien vénères. Hein. Ouais, ils sont méchants. Hein. Mais c'est, vous parlez des machines à café qui tirent partout, là, dans la ville. D'accord. Terminator, donc là, Schwarzenegger, il va en démonter deux. Ouais. Facile, ça c'est plaisir. Alors, l'avantage du T1, c'est qu'il est facile à désinguer, quoi. Ouais, la limite. Après, ça va pas être la même limonade, hein, je préfère vous dire. Et après, il y a le one-to-one dans les chiottes. Avec le TX, entre le TX et le T800. Ouais. Ou le T101, je sais pas. C'est quoi le T800 T101. Mais c'est Terminator. T800, c'est dans le 2, je crois. Et dans le 1, c'est un modèle encore plus vieux. Ouais, voilà. T'es collector d'ailleurs, hein, ça s'arrache sur River. T'en as dans certaines casses, mais vraiment sinon ça se trouve plus. Oh, même trouver des pièces, hein, c'est compliqué. Des yeux de T101, ça se trouve plus. Et donc là, il va y avoir grosse baston dans les chiottes en one-to-one avec le TX. Le TX qui est quand même 10 milliards de fois plus fort que. Mais bon, il va quand même bien lutter. Ah, il va bien lutter, ouais. Mais elle va lui arracher la tête à la fin et puis elle va même le reprogrammer. Alors elle fait un truc stupide, c'est qu'elle lui arrache la tête, elle le reprogramme, mais elle le reconstruit pas. C'est-à-dire que bon, s'il se relève, à la limite, il sera de mon côté, quoi. Ouais, mais elle pourra le reconstruire, comme ça elle est vraiment sûre d'avoir un allié, quoi. Ouais, mais ça c'est nul en plus quand il se remet la tête. Elle a matériellement pas le temps de faire des trucs comme ça, je crois. Quand il se remet la tête, c'est des tuyaux, tu vois, qui sont arrachés, et genre ça se remet tout seul, c'est nul. Ouais. Il y a un moment, il y a une scène moi qui m'a fait marrer. C'est t'as une vue de 2 secondes sur l'extérieur, le monde extérieur, et là, mais c'est l'apocalypse en 2 minutes, quoi. Ah ouais, c'est le Judgment Day, ouais. Ouais, ça arrive très vite. Surtout qu'en plus, d'un seul coup, il y a des avions à l'intérieur de l'immeuble. Enfin, c'est tous les drones et tout. Ouais, ouais. Non, mais ça, limite, franchement, je trouve ça pas mal. Au début, je me suis dit, ouais, c'est une base militaire un peu secrète et tout. Ah, mais pas du tout. C'est en plein milieu de la ville. Mmh. C'est vrai que si tu fais des T-1000, tu les stockes pas dans une tour à New York, quoi. Tu vois, c'est dans le désert, quoi. Surtout des T-1000 qui ont des tractions aussi galères que des tanks, tu vois. Ça va être trop galère pour descendre les escaliers, tu sais. Ah, bah non, l'ascenseur, il marche pas. Bon, bah merde, on est bloqué au 20e avec les T-1000. Et après ça, il lui dit bon, pour s'enfuir, il faut aller au filtre à particules. Donc il y a un filtre à particules, pardon, l'accélérateur de particules. N'importe quoi. L'accélérateur, donc c'est des très très longs couloirs, très fins avec l'accélérateur. Et il y a un truc qui est hyper drôle, c'est que le mec, avant de s'enfuir, il fait attends, on va l'allumer avant. Alors déjà, pourquoi? On va savoir pourquoi d'ailleurs, mais. Et surtout, comment sais-tu allumer un accélérateur de particules. Bah, surtout comment il savait que ça allait faire fondre le TX. Quoi. Surtout comment il sait comment ça marche. Non mais franchement, en vrai, ça doit nécessiter 25 personnes, des trucs partout, régler plein de trucs sur des ordinateurs. Bah non, franchement, il utilise 3 boutons. Franchement, c'est simple, t'as pas vu. Et t'as le on-off, quoi. Et en fait, il est malin, donc c'est un junkie, mais quand même qui est relativement malin, parce qu'en fait, forcément, ça crée un champ magnétique. Oui. Et donc, du coup, le TX, qu'est-ce qui va lui arriver? Bah, ça l'aimante sur le cylindre et elle sa partie liquide se liquéfie, quoi. Enfin, absolument. Ouais. C'est une bonne explication. Hein. Voilà, moi, ça, merci, Jamy. Mais tu vois, bah, pour le coup, je me suis dit, ah, c'est bon, on l'a niqué, quoi. Ouais, moi aussi, j'y ai cru un moment. C'est vrai. Mais il y a toujours ça dans Terminator. Il y a toujours un moment où tu crois que le méchant va mourir. Et ouais, bah, pareil, dans le 2, c'est pareil. Hein, tu peux être persuadé qu'il meurt. Ouais. Et donc là, Terminator, il va se réveiller parce qu'il a été reprogrammé. Il faut savoir qu'entre temps, le père de la nana est mort. Ce qui fait que la meuf perd son mec, son père. Et elle apprend qu'elle va finir ça avec Kev Adams. C'est quand même une sale journée. Enfin non, avec Kev Adams, qui a quand même des gros problèmes d'héroïne. Hein, parce en plus. Il a l'air bien dézingué, hein, celui-là. Quoi. Et après, il y a un truc qui... Tu vois, Terminator, il est revenu, donc là, il est programmé. Mais alors, il contrôle pas bien ses membres. Mais son CPU, tu vois, là, il est en lutte contre lui-même, quoi. C'est-à-dire qu'il a sa mission pour sauver John Connor, mais en même temps, il a été reprogrammé pour le bug. Et là, du coup, tu te dis, mais est-ce qu'il a une conscience alors que depuis le début, il te dit qu'il a pas de conscience, qu'il est programmé pour des ordres? C'est la grande question. Et là, il a un petit tiraillement. Électroniquement, comment ça se passe, Greg? Je pense que ça va être le sujet de philosophie de cette année au bac. Machine, technique. Est-ce que le T101 est conscient? Parce que normalement, pour qu'un robot ait des sentiments, il faut que la foudre lui tombe dessus, pour ceux qui ont vu Short Circuit. C'est un très bon film d'ailleurs. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'il va l'étrangler. Et c'est un robot, c'est-à-dire que le principe d'étrangler n'existe pas, c'est qu'en fait, il te broie le cou, tu vois. Ouais. Et là, c'est le robot genre. tu m'étouffes. Et lui, son but, c'est juste de l'étouffer, quoi. Ouais. Et ça va pas marcher, donc il va lutter contre lui-même. Et après, il décide. Il fait des chatouilles aussi. Ouais. Casser une Toyota. Du coup. Ça le calme, hein, pour le coup. Hein. Ouais, ça le calme. Ouais. Il va s'éteindre après. Et après, donc, il s'enfuit en avion. Pour aller où? Dieu seul le sait. Pour aller déconnecter, enfin, pour aller arrêter Skynet. Le bunker de Skynet, enfin, ce qu'il croit être le bunker où il y a Skynet, mais en fait, non, pas du tout. C'est un abri atomique d'il y a 30, des années 30, quoi. Mmh. Ouais. Et en fait, il se rend compte qu'ils ont été envoyés là, non pas pour arrêter Skynet, mais pour survivre à, à l'attaque nucléaire. Alors, avant que ça arrive, est-ce qu'on peut quand même parler de la double attaque du double hélicoptère? C'est-à-dire, là, c'est coup de théâtre. Hein. Là, c'est plus que coup de théâtre. Là, j'ai explosé de rire. Vas-y, Greg. Ben non, juste eux, ils sont en train de taper le code là sur l'ordinateur qui a 50 ans. Déjà, ils auraient dû renifler l'embrouille, quoi. Genre, oula, t'es sûr que Skynet, il est là, les touches, on dirait une touche d'une machine à écrire. Bon, non. Bon, en même temps, ils ont pas trop le choix. Ils essaient de rentrer dedans et là, bam, wax. T'as un hélico qui arrive, c'est un tunnel hein, quand même. Hein. Là, c'est quand même du Mission Impossible 1. Quoi. L'hélico qui se crache dans le tunnel. Ouais, mais c'est pas grave parce que ça fait pas trop d'explosions. Enfin, pas sur eux en tout cas. Du coup, ils survivent. Et le problème, c'est qu'il y avait le TX dedans, quoi. Tu vois, donc le TX, il arrive, il est bien vénère, quoi. Il est tellement vénère que. Ah non, c'est pas tout de suite qu'il est en peau de métal. Hein. Non, c'est après. Et du coup, bah, il commence à attaquer. Et au moment où il va les tuer, encore une fois, il est toujours à deux doigts de les tuer. Blablablam. Hein. Et bah, il y a le T1 qui arrive, blam, en hélicoptère. Il a un plus gros hélicoptère. Il arrive encore plus loin. Mais c'est un tunnel, hein, et il freine à 1m2 et il lui a roulé dessus. Et alors là, elle s'est pris tout dans la gueule pendant tout le film, elle a rien. Là, l'hélicoptère, là, quand même, ça l'a blessée. Et ça l'a blessée, du coup, elle est en peau chromée. Ouais. Elle a ses petits yeux rouges, elle a plus de jambes aussi, hein, parce que maintenant elle rentre. Ouais. Et puis maintenant, bah, ça lui fait pousser des cris de bête en fait. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais elle fait vraiment des cris de bête. Alors qu'avant, bon, bah, elle criait normalement, quoi, tu vois. Bon, là, c'est un peu chelou. Bon, elle est nulle cette fois. Et là, ouais, puis donc ils vont exploser, et surtout, bah, ils explosent sur la porte de l'abri anti-atomique. Donc en fait, du coup, ça, c'est plus vraiment un abri, quoi. Oui, voilà, c'est vrai. Ouais. Bah, surtout qu'ils sont un peu coincés dans le machin. Ah oui, parce que vrai, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe après, une fois que l'explosion est passée? Vu qu'ils ont fait péter toute l'entrée avec une explosion nucléaire. Bah, attends, tu dois quand même avoir deux entrées. Mais surtout que l'abri atomique, il est absolument pas mis à jour. C'est-à-dire que c'est genre l'abri atomique, mais bon, tu sais, t'as un truc pour que le président il puisse parler, il y a des caméras. Ouais, mais ils n'ont pas remplacé les ordinateurs. La bouffe lyophilisée, à mon avis, elle a 10 ans, tu vois. Donc, ça va être la misère dans le machin, là. Oh non, il y a que des cornflakes. Ouais, ils sont périllés. Ah, il y a des croquettes white, ouais. Mais tu sais, j'imagine, elle se rend compte qu'elle est enfermée au moins pendant 10 ans dans cet abri anti-nucléaire. Avec le atomique. Avec un toxico, elle doit être vraiment deg. Avec un robot qui a fait que répéter qu'il allait devenir son mari. Lui, il fait « Il n'y a rien à faire pendant 10 ans. » Bon, mais c'est cohérent quand même du début à la fin. Bon, Skynet qui attaque, machin, hop, les machines qui arrivent, ils se planquent et puis. Non, non, mais que... les bails temporels, on peut pas revenir. Non, les bails temporels, c'est trop compliqué, mais ça marche pas. Ouais, non, est-ce, oui. Est-ce qu'il y a des épisodes 4, enfin des termes. Il y a un 4, oui, il y a un 4, c'est sûr. Ouais. Je l'ai pas vu d'ailleurs. Parce qu'à la fin, il dit la bataille ne fait que commencer, quoi. Ouais, parce qu'après, le 4, ça se passe pendant la guerre des machines. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, je pensais que c'était celui-là que j'allais voir. Je me rappelais pas que le 3, c'était encore un 2. Je pensais que c'était direct machine. Ouais. Et. Moi je trouve ça nul. Enfin, moi je trouve que le Terminator 3, il est la série des Terminators, ce que Indiana Jones 4 et Indiana Jones, quoi. Je trouve qu'il est vraiment loupé. Ouais. Ouais, bon, c'est comme Terminator 2, quoi, en fait. Quoi. C'est... Bah, moi ça m'a pas donné envie de regarder le 1 et le 2. Bah, pourtant, le 1 et le 2, ils sont vraiment mortels. Hein. Ils sont vraiment bien, quoi. Ouais, ils sont bien. Non, non, en fait, c'est ça, c'est une sorte de référence au 2 tout le temps. Au 2 tout le temps, et c'est un peu agaçant, quoi. Mais sinon, moi, pour le coup, je me suis pas trop. En tout cas, j'ai beaucoup ri. Les explosions, oui. Elles me font rigoler. Oui, il y a trois moments où effectivement tu te marres, mais bon. Voilà. C'est votre avis sur le film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Alors, commentaire Allociné Amazon, 5 étoiles, j'en ai 5. Ouais. Alors, il y a toujours un prix Nobel, tu sais, qui laisse un commentaire, là je l'ai mis dès le début. Il dit, je n'ai que un mot à dire, fabuleux. Quant à la presse, ils peuvent aller se faire foutre, car c'est pas un film de branleur. Alors ensuite, j'étais très content parce qu'on a John Connor qui a laissé un commentaire. C'est la première fois qu'un protagoniste de film laisse un commentaire. Mais du futur ou pas ? Eh ben oui, alors il dit « Si en 1984, ignorant tout du scénario en entrant, vous êtes ressorti du cinéma la tête dans un petit nuage, si en 1991, priant ne pas avoir affaire à une suite débile, vous êtes ressorti du cinéma la tête dans un petit nuage, alors en 2003, vous ressortirez aussi la tête dans un petit nuage. » John Connor, john.connor@libertysurf.fr. Si vous voulez lui répondre. Il est défoncé au crack du film, hein, c'est celui du film. Ah, j'avais la tête dans un petit nuage. Alors, on a Degrini, qui lui dit un truc incompréhensible. Enfin, moi, je ne comprends pas son commentaire. Il dit, ce nouvel opus est bien, mais perd du charisme en histoire. Les petits nouveaux remplaçants jouent bien, mais sinon, sont moins convaincants que ceux du 2. Arnold, toujours présent, est vraiment bien dans cet épisode. Mais je le trouve un peu perdu dans cet épisode. Sinon, les effets spéciaux sont vraiment top. Et les cascades sont vraiment bien. Merci pour le troisième Terminator. Merci. Alors, j'ai pas Zuzu. J'aime bien son nom. Mais alors, c'est mon bibliothécaire, figurez-vous. Ah. Ouais, j'étais content de voir un commentaire. Il nous dit, il faut aller voir ce film. Tout simplement pour rêver. Pour retrouver son âme d'enfant. Ce film est fait pour les enfants entre... Il s'est planté lui aussi. Ce film est fait pour les enfants entre parenthèses, même s'il est vrai que les pirates sont plutôt terrifiants. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, redevenez pour quelques instants le pirate ou la princesse de votre jeunesse. Et laissez-moi... Laissez-vous entraîner vers ces trésors que nous avons tous cherché un jour ou l'autre. Donc il a confondu Terminator 3 et Pirates des Caraïbes 3. C'est clair. Donc c'est bien, oui. Et enfin, on a CC2. On a CC2, c'est le dernier. Et il est encore plus pointilleux. Il cherche vraiment la petite bête, hein, CC2, encore plus que nous. Qui dit 19 ans plus tard, et enfin la première Terminatrice. Les effets spéciaux sont plus timides, mais l'histoire est trop, mais l'histoire est trop ambitieuse. Non, mais ces humains savent que les machines qu'ils ont créées sont ultra puissantes. Alors pourquoi se risquer à les rendre autonomes? La touche Y, ouais, un peu facile, hein. Ce qui me gêne aussi, c'est qu'on nous fait croire dans le 1 et le 2 que l'avenir est modifiable, mais là on nous annonce qu'il est seulement retardable. C'est bizarre, hein, car le jeune Connor a voulu se mettre une balle dans la tête, ce qui aurait inévitablement modifié l'avenir, puisqu'il se serait plus acteur de ce quoi on lui est en train de lui parler. Si les Terminators sont produits en série, bah pourquoi pas en envoyer toujours qu'un seul pour traquer les connards. Il y a beaucoup de pragmatisme. Bref, bref, c'est du détail. Mais c'est vrai que ça fait tâche. Puis Terminator 4 se présente, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça va donner dans un milieu radioactif? Alors, c'est le moment du chapeau. Et on va expliquer les bails du chapeau. Alors juste, on explique rapidement les bails du chapeau. Oui. C'est que si vous voulez qu'on parle d'un film en particulier, vous allez le mettre en commentaire iTunes. C'est très important. Pas ailleurs parce qu'après agrémenté c'est de ses 5 étoiles. Voilà. Parce qu'il y a un mec qui a proposé un film et il a mis 4 étoiles sur 5. Donc clairement c'est mort, son film n'est pas dans le chapeau. Il est bien deg. La démocratie ça règne sur le plateau. Ça fonctionne pas mal, hein, il me semble. Hein. On a quand même des propositions. Ah ouais, il y a au moins 3 personnes qui ont participé. Ah, plus que ça. Non, on a pas mal de gens et n'hésitez pas parce que du coup, ça diversifie les films du chapeau. Ok, alors, on fait le premier film du chapeau. Tire le premier film, Barbara. Alors, oula. T'en as deux là, attention. J'en ai deux qui sont imbriqués. Moi, j'en mate pas 3. Hein. Batman Forever. Ça vient. Quant à moi, je tire le second papier. Mm-hmm. Suspense. On n'a pas le droit à un veto, hein, on est d'accord. Non. C'est Willow. Oh, formidable. Proposé par Mickaël. Ah, génial, je suis content. Je pense que ça a très mal vieilli. Oui. Ça va être compliqué. Voilà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler donc de Batman Forever. Et de Willow. Non, mais attends, Forever, c'est avec George Clooney ou Val Kilmer? Ah, je sais pas, je les confonds toujours. Je sais pas, on verra bien. Ah, c'est celui avec Freezer et tout. Bah, c'est encore avec Schwarzenegger. Bah, c'est parfait. Et voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.